Chapitre 17e. Kremlin, Tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène le lendemain. Avec les gros nuages qui venaient du nord et la blanche descente des flocons, Kossloff entendait distinctement craquer les arbres comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce. Lorsqu'il arriva au pied de la tour Saint-Constantin et Sainte-Hélène, il retrouva comme la veille les deux soldats qui montaient la garde, l'un debout devant la porte d'acier blindé, l'autre assis sur une chaise, le fusil en diagonale sur les genoux. À l'arrivée du vice-premier ministre, le soldat assis se leva, et comme son camarade, se mit à l'ordre, puis déverrouilla la grille. Cette fois-ci, Kossloff étant seul, il décida d'emprunter l'escalier à vis pour se rendre à la salle de réunion. À mi-parcours de l'ascension, il laissa sur sa droite une pièce transformée en bureau. Les embrassures primitives avaient fait place à des baies visibles de l'extérieur. Ces ouvertures, au-dessus de la poterne murée, avaient donné son nom à l'étage, la Barbacane. La légende du Kremlin voulait que dans cette salle se soit réfugié Khrouchtchev, revenu précipitamment de ses vacances en Abkhazie, pour faire face en vain à la conspiration menée par Brejnev, Chelepine et Semitchasny, le président du KGB. Le 12 octobre 1964, attaqué de toutes parts, Nikita Khrouchtchev opposa peu de résistance. Durant la nuit du téléphone rouge de la Barbacane, il appela son ami et collègue du présidium, Anastas Mikoyan, pour lui dire « Je suis vieux et fatigué. Laissons-les face à eux-mêmes. J'ai fait le principal. » Autrefois, personne n'aurait osé dire à Staline de partir. Aujourd'hui, tout est différent. La peur a disparu. Nous parlons d'égal à égal. C'est ma contribution. Je ne me battrai pas. Deux jours après, il fut placé en retraite volontaire. Il regagna sa datcha, où il sombra dans une profonde et mortelle dépression. En haut de l'escalier, face à la porte qui donnait sur le chemin de ronde, apparut à Kossloff la vaste salle carrée éclairée par 11 fenêtres. Au milieu de la pièce se dressait la grande table ovoïde entourée des 14 sièges à capiton rouge. Si Kossloff avait contribué à gravir les marches de la tour, il serait arrivé dans la partie médiane de l'édifice comportant un lieu de réunion et à côté du bureau du vice-premier ministre, ceux attribués à chacun de ses 12 agents. Il bifurqua et pénétra dans la salle où l'attendait l'ensemble des Volkodlaks. Il les salua un à un, puis regagna son siège à droite de celui du président et à gauche de celui de Sernine. Vladimir Popov entra, l'assemblée se leva. « Bonjour, camarades. Je vous prie de vous asseoir. La séance est ouverte. Lorsque nous nous sommes quittés hier, vous m'aviez conseillé, pour éradiquer le terrorisme tokaristanais, d'entrer en opération le 25 septembre et non le 1er mars. Vous m'avez décrit ce qui ne doit surtout pas arriver. Je l'ai acté. Dites-moi maintenant comment vous comptez y arriver. » Sur le chemin de tête du grisonnant Kossloff, le chétif Sernine introduisit la réunion. Nous avons bien étudié la situation et le profil des personnes clés de cette opération. Le général-président Youssouf Ramazanovitch Imadedinov, dont le bras droit est le colonel Nurlan Hamidovitch Charizov, la duègne des Veuves Noires Fatia Amadovna Yazurova, le moufti d'Arsikouchi, un cheikh nommé Zelim Ishmukametov. Youssouf Ramazanovitch Imadedinov connaît mieux que n'importe qui nos procédures de déploiement et de combat. Nous devrons donc le leurrer et utiliser des techniques de guerre non conventionnelles pour le battre. Fatia Amadovna Yazurova est une dangereuse terroriste avant d'être une femme. Nous serons donc amenés à la traiter selon les protocoles de la prévention de quatrième niveau de l'échelle d'Andropov. Zelim Ishmukametov est une haute autorité morale, mais ce cheikh est un pleutre. Quand nous aurons éloigné la chimère d'une république islamique, il nous faudra mettre ce moufti en avant pour bien montrer que nous avons combattu les radicaux et non les musulmans. Sernine cessa là sa présentation des trois principaux protagonistes. Il demanda à la blonde et jolie Olga Gourina de brosser un tableau de la situation. Au Tokaristan, dit l'ethnologue trentenaire, il y a deux légitimités religieuses qui s'opposent. Les autorités post-soviétiques ont d'abord organisé un islam officiel en s'appuyant sur les confréries de croyants et des communautés religieuses paisibles, les djamats. Leur influence prépondérante sur la société tokarienne a permis de conserver, durant quelques années, un caractère marginal au fondamentalisme islamique dans ce pays de tradition soufie. Les pouvoirs publics locaux disposaient, grâce à eux, d'alliés précieux pour la réislamisation du pays et pour leur lutte contre les radicaux qui rêvaient de les déborder. Cette contextualisation intéressa vivement le président Popov. L'arrivée au pouvoir du national-islamiste Youssouf Ramazanovitch Imadedinov a complètement changé la donne, poursuivit Olga Gourina. Il a d'abord voulu reprendre le contrôle du clergé traditionnel. Il a vite compris que cette caste s'opposait à la radicalité qu'il prenait. Pour les confréries qui avaient pris l'habitude de soutenir les autorités politiques légitimes face à leurs adversaires islamistes, le coup porté fut rude. Pour les musulmans modérés, le wahhabisme, que le nouveau président souhaita promouvoir, était considéré comme une manifestation religieuse et politique importée de l'étranger. Il le refusait, car il s'opposait aux pratiques islamiques ancestrales des Tokariens. Suspendu aux paroles de la jeune ethnologue, Vladimir Popov ouvrait grand ses oreilles. « Pour contourner l'obstacle sans l'affronter, indiqua-t-elle, Imadelinov créa partout des madrasas, des écoles coraniques radicales, en allant chercher des théologiens dans la péninsule arabique et jusqu'au Pakistan. Ces prêcheurs wahhabites appelaient à un islam purifié, une religion sans intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ils condamnaient violemment les pratiques soufies comme le culte des saints, le recueillement sur les tombeaux. Ils voulurent interdire les rites, le zikr et le shafi. Pourtant, l'ordre juridique shaféite était source du droit coutumier. Le président Vladimir Popov, tant le sujet le captivait, ne put s'empêcher de demander quelle était la situation actuelle. Olga Gourina, flattée de se voir interrompue, esquissa un sourire et rétorqua. « Depuis quelque temps, monsieur le président, ils vont plus loin. Ils prônent désormais une application stricte de la charia. Interdiction de l'alcool, du tabac, obligation du port de la barbe pour les hommes, code de la famille pour remettre les femmes à leur place. C'est ce que revendique aussi celle qui les a rejoints, Fatia Amadovna Yaozourova. » Le président Popov indiqua à ce propos que pour Yaozourova, la consigne officielle du ministre de l'Intérieur serait de la ramener vivante à Moscou. Il prit un court instant de pause et poursuivit. « Mais les balles perdues ne sont pas sexistes, nous le savons bien. Dans le feu de l'action, surtout avec des femmes aussi explosives, tout peut arriver. » Rakhamov, le grand et rondouillard quinquagénaire chambellan, célèbre pour sa jovialité, mais aussi connu pour sa rudesse et son franc-parler, qui jusque-là était resté muet, nota l'éventualité évoquée par le président. « Naturellement, monsieur le président, lança-t-il, moi-même je l'ai compris ainsi, lorsque tout dernièrement je me suis débarrassé d'Omar Tarkhanov, le porte-parole du califat islamique pour la Russie, et de Magomed Adjipov, le leader islamiste. » Marina Pavlova, la quadragénaire criminologue spécialiste de la lutte antiterroriste, tout sauta. La séduisante brune et ténébreuse lieutenant-colonel, sortant de son mutisme, souligna d'une voix douce et posée « Il serait toutefois intéressant de pouvoir capturer Yaozourova. Nous vous demandons de ne pas être inquiétés par la justice au cas où l'arrestation serait plus compliquée que prévu. » Jetant un regard vers le chambellan Rakhamov, elle ajouta « L'expérience de Jafar, l'appui des oboros, mon habitude de combattre les trafics des Yugo-Zapadnovo dans le sud-ouest de la capitale, devrait nous permettre d'aller débusquer la furieuse Yaozourova à la crinière rousse dans sa tanière. » Le président acquiesça et dit « Une femme policière qui met fin aux activités d'une femme terroriste devrait plaire aux amateurs américains de catch féminin dans un ring boueux. Bon, très bon. » À l'extérieur, aucun bruit ne traversait plus la citadelle immobile. Seuls les oiseaux par bandes décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les espaces verts et piquant la neige de leur bec. Le cas Yaozourova ayant été évoqué, Koslov, maître des horloges, fit signe à Sernine d'en venir à Imadedinov. Le grand et musculeux quadragénaire aux cheveux noirs, lieutenant-colonel Kuznetsov, spécialiste en matière d'espionnage de la compagnie, se vit alors invité à intervenir dans la conversation. « Pour Imadedinov, nous avons imaginé une stratégie sophistiquée dont le nom de code est opération piège à ours. Youssouf est un ours prétentieux et fier de ses états de service dans l'armée rouge. Il faut le chasser comme un animal. Quand il était commandant, caserné à Gyumri en Arménie, dans la base militaire 102, il était en rivalité avec un autre commandant, Cyril Trofimov. Celui-ci a vu sa carrière végéter suite à diverses sanctions disciplinaires liées à ses accès de violence et à son penchant excessif pour la vodka. » Le quinquagénaire commandant Andrei Verkhotourov, très grand, à la carrure d'athlète, prit le relais en parlant lentement et distinctement. L'idée, c'est de mettre sous le nez de Youssouf Imadedinov un appât auquel il ne puisse pas résister. D'après les stratèges de votre état-major, quand les Tokaristanais feront une sortie de leur territoire pour une démonstration de force militaire, ils choisiront l'une des quatre provinces limitrophes. Ils envahiront soit l'oblast de Kemerovo au nord, soit la république de Kakhassi au nord-est, soit la république de Touba à l'est, soit le kraï de l'Altaï à l'ouest. Selon nos sources, les Tokaristanais ont travaillé sur une prise de contrôle de la capitale Barnaoul pour y proclamer la mise en place d'une grande république islamique de l'Altaï qui est à 92% russe. Après s'être assuré du pourcentage qu'il annonçait, il leva la tête de ses notes et enchaîna. Pour en revenir à notre opération piège à ours, nous pensons qu'il faudrait enfin promouvoir Cyril Trofimov au grade de colonel et l'affecter à la tête d'un bataillon disciplinaire caserné dans le sud de l'oblast de Kemerovo. Cette zone est la dernière que les Tokaristanais ont objectivement intérêt à envahir. C'est une région essentiellement rurale, précisa le lieutenant-colonel Kuznetsov. Elle est enclavée dans une chaîne de montagnes moyennes et grignotée par la taïga qui forme le parc naturel de la Chorie. Nous demanderons à Trofimov et à ses hommes de transformer le petit aérodrome de l'extrémité sud de l'oblast en base militaire, afin d'entraîner ses troupes pour qu'elles soient prêtes à une invasion du Tokaristan. Cela créera de l'agitation. Nous veillerons à colporter les rumeurs. La présence de son vieil adversaire devrait inciter l'ours Imadelinov à sursoir à son attaque dans l'Altaï. Il préférera la destruction préventive d'une unité conventionnelle menaçante de l'armée rouge. Le chambellan Rakhamov tint à revenir sur quelques éléments biographiques pour étayer l'intervention de Kuznetsov et Verkhotourov. De son enfance paysanne, Imadelinov a gardé l'intime conviction qu'il faut se plier aux circonstances, que rien n'arrive par hasard. Quand un imprévu survient, c'est Dieu qui l'a voulu. Il faut savoir en tirer parti. Le Void, le grand guide, qu'il est devenu, résonne sur un mode binaire mystique, don du ciel ou punition du ciel. Pour lui, avoir l'occasion de se venger de Cyril Trofimov sera la volonté d'Allah. En outre, Imadedinov considérera cette opération comme un ultime entraînement avant de passer aux choses sérieuses. Le président Popov estima le plan suffisamment tordu et mûrement réfléchi pour être tenté d'y souscrire. Le chambellan poursuivit. Nous avons besoin de temps. Il faudra tout faire pour cacher les indices qui accusent les Tokaristanais. En revanche, il faudra que fuitent des informations accréditant une réactivation probable des réseaux tchétchènes. Je constituerai une commission d'enquête de la Douma, suggéra Popov. Cela flattera les libéraux et les démocrates. Ce sont eux qui, finalement, démentiront la piste tchétchène et qui assureront avoir découvert, par leur ténacité et leur intelligence, la réalité de la menace Tokar. Nous aurons gagné 6 bons mois sur les 8 que vous me réclamez. Il vous restera la période estivale pour préparer officiellement et mettre à exécution votre plan le 25 septembre. Le pas très grand et frêle quinquagénaire Sernine avait introduit l'exposé du plan de guerre imaginé par le commandant Verkhotourov. Le grisonnant sexagénaire aux épaules tombantes Koslov se réserva, en tant que vice-président, la conclusion de la réunion. Dans les confrontations avec les chefs militaires islamistes, dit-il à Vladimir Popov, certains de nos généraux ont échoué parce qu'ils ont voulu tout résoudre selon le manuel de l'école de guerre. Ils savaient que Yukov avait fait telle manœuvre à tel endroit ou que Kutuzov avait appliqué telle stratégie dans telle situation. Ils se demandaient toujours ce que Yukov ferait. Nous ne méprisons pas l'enseignement de l'Académie militaire des forces armées, l'AMFA. Ce qui est certain, c'est que face aux Moudjahidines, celui qui leur fera la guerre en obéissant de façon aveugle à des règles immuables échouera. Une fois la réunion achevée, le président Popov, qui avait apprécié l'intervention d'Olga Gourina, la prit à part. Il lui indiqua qu'il désirait installer une personnalité russe au poste de directrice générale de l'UNESCO. Il voulait savoir si elle accepterait d'être candidate. L'ethnologue lui demanda un peu de temps avant de donner sa réponse. Il consentit et se saluèrent.